Je pars en lambeaux des bandes de chair qui s'éparpillent dans l'espace, qui se perdent dans l'espace. Je te vois tellement triste à en mourir, je n'ai pas les mots pour retrouver ton sourire. Je n'ai pas les mots pour te protéger. Descends du pont, y'a rien en haut que du vide nu, du vide nul. La vie commence à peine. Elle est belle et folle, elle est belle. Ça me brûle si fort quand je te vois dans l'ombre de ton ombre. Disparaître davantage à chaque pas, ne te jette pas ou dans mes bras, mes bras. En lambeaux, des bandes de chair qui s'éparpillent dans l'espace, qui se perdent dans l'espace. Viens, je t'emmène les chercher, les recoudre une à une. Un jour, tu seras de nouveau entière. Descends du pont, y'a rien en haut que du vide nu, du vide nul. La vie commence à peine. Elle est belle et folle, elle est belle. Ça me brûle si fort quand je te vois dans l'ombre de ton ombre. Disparaître davantage à chaque pas, ne te jette pas mes bras, mes bras. On part en lambeaux des bandes de chair qui s'éparpillent, qui s'éparpillent dans l'espace. Partons là-bas et restons-y, une maison nous attend. Et devant la prairie, à perte de vue. Là-bas, il n'y a pas de pont, juste le vertige de l'azur, personne pour faire du mal. La vie est belle.